Madame Giraud se rend chez le médecin avec son fils car il est malade depuis hier soir. Bonjour docteur, je viens vous voir car Guillaume n'est pas en forme depuis hier soir. Bonjour mon petit bonhomme, qu'est-ce qui ne va pas? Tu n'as pas bonne mine aujourd'hui. J'ai mal à la tête, je tousse beaucoup et ça fait bobo à la gorge. Oui, d'ailleurs il a mangé hier soir mais il a vomi aussitôt. Il n'a pas d'appétit et il n'arrête pas de répéter qu'il a mal au cœur. Je suis très inquiète docteur. J'ai pris sa température ce matin. Il avait de la fièvre, 38,9. Est-ce qu'il a eu des vertiges, la tête qui tourne? Non. Bon, je vais l'examiner. Déshabille-toi, Guillaume. Vous allez me faire une piqûre? Mais non, ne t'inquiète pas. Bon, ouvre la bouche et tire la langue. Je vais regarder ta gorge. C'est bien. Maintenant les oreilles. Oui, c'est un peu rouge. Et ton nez? Tu renifles beaucoup? Oui, mon nez coule tout le temps. Bon, je vais prendre ta tension. Elle est un peu basse, mais rien de grave. Alors, docteur, qu'est-ce qu'il a? Tu peux te rhabiller, Guillaume. Ce n'est rien, un début d'angine, un gros rhume et un peu de fièvre. Je vais vous prescrire un sirop pour la toux et des pastilles à sucer pour adoucir les maux de gorge. Des gouttes pour le nez qu'il faudra mettre 4 fois par jour. Et vous pouvez lui donner un comprimé de paracétamol s'il a encore un peu de fièvre ce soir. Tenez, voilà l'ordonnance. Pour le paracétamol, je vous prescris un générique.